Alors le tableau 8 concerne donc les commerciaux, non, les artistes. Tout ça, c'est tout ce que je vous explique depuis le début. C'est grosso modo ce que l'artiste, ça sert à recruter l'artiste en fait. Et c'est aussi tous les éléments qu'il doit connaître. Alors il faut savoir qu'il y a des artistes contemporains déjà majeurs qui eux fonctionnent bien avec les galeries, gagnent 24 000 euros par mois, n'ont pas nécessairement envie de travailler avec nous. Nous, on vend aussi ça. C'est-à-dire que dans notre collection, on achètera une toile de Ben, une toile de Zeus, de Ray César. On fera pour que la collection, pour aussi bah, d'avoir une collection avec des grands noms. Mais on peut aussi on pourra aussi proposer à des artistes classiques de dire, écoutez, si vous êtes d'accord avec nous sur le fait que 99% des artistes ont du mal à vivre de leur art, que c'est injuste, si vous êtes d'accord avec nous sur ça, est-ce que vous voulez bien nous faire une série de 10 œuvres? Comme ça, vous verrez comment ça marche, comment c'est vendu, etc. C'est le deal qu'on fera avec des artistes qui n'ont pas besoin de nos 57 000 euros par mois. D'accord? Bon, on fera comme ça. Par contre, pour ceux qui travaillent avec nous tout le temps, ben, on essaye de faire en sorte qu'ils fassent le test, ils nous amènent 10 œuvres au format de la collection, ou alors ils nous les 10 œuvres qu'ils ont, on les vend, ils disent bon bah ça m'a fait un peu de sous, ok, vous arrivez à vendre. Bon, je veux bien rentrer dans un processus où chaque matin, comme je fais rien. Je vous fais une œuvre chaque matin, tchouk tchouk tchouk tchouk. Je vous en fournis 10, 20 par semaine, par mois, etc. Et on fait le suivi. Donc là, la personne elle travaille un mois avec nous, 2 mois, 12 mois, 1 an. Et là, c'est la simulation pour 1 an, je crois. Hein. Je regarde. Ouais, c'est bien ça. Attendez. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas les années? Ah ouais, il y a les mois. Voilà. Donc dans le tableau 8, c'est simple. On l'a vu tout à l'heure, l'artiste a un salaire mensuel de 58 000 euros. Alors comme il était à... fait que à peu près... bah c'est simple, hein, c'est son salaire, c'est quoi? C'est toutes les toiles qu'il a faites dans le mois. Donc là, il fait à peu près 60 toiles. Enfin, c'est plus parce que il touche 1100, donc il a fait à peu près 50 toiles dans le mois, dans le tableau. Ça veut dire que c'est un dessinateur qui met une journée pour faire un dessin. Ça lui fait 20 jours de travail. Non, bah, il fait deux grands dessins, deux grands dessins par jour qu'il vend à 3 500 euros. Il les fait parce que il sait enfin que c'est vendu. Alors, vous prenez un type qui a le trait un peu dégonchil, il vous le règle en super vite, ça. Puis les photographes, ils ont juste à imprimer des photos d'une collection, d'un grand stock, vous voyez. Donc ça va vite aussi. Alors, donc ici, le tableau 8 est un peu spécial parce que comme on paye très bien les artistes, et là c'est une option, moi je peux leur proposer un paiement patrimonial. C'est-à-dire que là, dans l'exemple, au lieu que l'artiste ait... bon, ça c'est une option, on n'est plus dans le... C'est comme je fais de la gestion de patrimoine et que l'artiste devient tout d'un coup une personne riche, c'est-à-dire qu'évidemment il va mal dépenser son argent et il sera mal conseillé. Or moi tout mon travail c'est optimiser. D'ailleurs on le voit quand je fais l'épargne de garantie sur 20 ans, on met juste 5% de l'œuvre sur 20 ans, ben, on peut racheter l'œuvre 4 à 5 fois son prix. Donc ça veut dire que quand un artiste... investi là dans le cas présent. Mais je vous le dis, encore une fois, c'est une option, c'est pas la continuité du système. Quand un artiste épargne 20%, 50%, ça veut dire qu'il a un salaire de 29 356 euros par an, par mois. Donc tous les mois, il gagne 58, mais il économise 50%, donc il a 29 000 euros. D'accord? 29 000 euros, et donc ça veut dire qu'il épargne 29 000 euros par mois. Et si, alors écoutez bien, les chiffres sont phénoménaux, s'il ne travaille qu'une année pour nous, ah zut, il n'y a pas la suite du tableau. Bah je le mettrai à la suite, le tableau. Je mettrai les deux tableaux. D'ailleurs, je vais l'afficher tout de suite. Hop. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Donc, je mets les deux tableaux en même temps. Il va s'afficher incessamment sous peu. Donc, l'artiste, s'il travaille pour nous pendant un an, donc fournit à peu près 610 tableaux, que l'on a tout vendu, et qu'il a épargné à 50%, d'accord? Et qu'il arrête de travailler avec nous. Il arrête de travailler avec nous, mais son épargne, il arrête d'épargner avec nous aussi, mais il a quand même épargné. À terme, il a, au bout, je doute parce que je crois que c'est la simulation plutôt pour un artiste qui ne fait que ça. C'est-à-dire il travaille pour nous, mais il continue pendant 20 ans. Bon voilà. Si vous acceptez d'être payé 20 000 euros et d'épargner 20 000 euros par an, 20 000 euros par mois, et vous en gagnez 20 000, mais après les chiffres évidemment sont. Moi à terme, je vous fais gagner 2 661 774 644 euros. Garanti. D'accord? Donc je vous redis le chiffre. Si, voilà, c'est le chiffre optimal en fait. C'est pas le chiffre pour l'artiste qui s'arrête au bout d'un an. C'est l'artiste qui travaille pour nous pendant 20 ans, donc en étant très bien salarié, qui épargne 50%, c'est un exemple. Un artiste comme ça, et quand je vous disais que les artistes sont des grands créateurs de valeur, mais que ce n'est rien comparé à la haute finance, là je vous dis qu'à terme, les chiffres sont là. Je vous donne 2 661 714 000, non, 2 661 714 644 euros. Je vous le redis. En travaillant dans la formule artiste brut, vous gagnez votre salaire. Avec moi, en investissant dans la haute finance, vous gagnez. En travaillant 20 ans, c'est long. C'est long, mais pendant 20 ans, on sait que c'est ce type qui est connu parce qu'il vend des toiles, etc. Ah, il gagne combien? Picasso, il n'avait pas ces chiffres-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de conseiller de gestionnaire de mon niveau. D'accord? Voilà. Donc, on a fait le tour. 2 milliards. Déjà, je vous aurais dit 1 000% de moins. Vous auriez déjà clapé des mains. Voilà, bon, c'est la haute finance. Si vous allez travailler avec des hauts financiers, que vous allez avoir des très hauts salaires. Autant j'ai réglé ça tout de suite. Faut que je refasse le calcul parce que c'est beaucoup, hein, 2 milliards, mais je regarde, hein, attendez, c'est quoi ce bordel? Parce qu'il se peut en fait que ce soit. Attendez, bah j'ai une idée, voilà, c'est très simple. Je regarde sur son total à lui. Non, mais c'est ça. C'est ça pourquoi on est à 300. Donc 200, 200, ouais, c'est ça, parce que c'est cumulatif en fait. Je vous expliquerai comment ça marche. Et donc, est-ce qu'on atteint les 35? Bah ouais, attendez, attendez, attendez, attendez. 300, donc 35, c'est bon. 500, voilà. Ça veut dire que la 20e année, vous faites le milliard, enfin 2 milliards et quelques. Pourquoi? Parce que vos œuvres d'art vous rapportent en salaire, mais l'argent que ça vous rapporte en le plaçant, bah, ça vous rapporte. Beaucoup, beaucoup plus. On l'a vu avec l'histoire des taux de garantie de 5% sur 20 ans. Ouais. Vous dites, putain, comment il fait pour acheter la toile 5 fois le prix? Voilà, parce que c'est 5 fois à chaque fois. Mais là, on est dans des plus gros volumes, vous voyez. Bon, donc je fais aussi cette formule. Alors, au début, cette formule était obligatoire. C'est-à-dire que vous pouviez épargner ce que vous vouliez. D'accord? Mais par contre, vous étiez obligé d'être dans la formule patrimoniale. Il se peut que moi, au début, je me dise, ben, autant travailler avec des artistes qui prennent le pack complet. Pourquoi? Parce que j'ai testé. Il y a déjà un artiste, le premier artiste à qui je l'ai expliqué, c'est un des plus grands photographes que je connais et dont j'admire le travail. Il est exposé partout en Europe, dans le monde, et il est célèbre. Je le vois, je lui dis, voilà, je t'explique, moi, je t'explique tout et je prends les artistes que s'ils acceptent la formule patrimoniale. Il m'a dit, tu sais, Laurent, je te fais confiance, j'accepte évidemment, je suis très étonné par les chiffres. Si tu y arrives, c'est une excellente idée. Si tu y arrives, eh bien, moi, je veux parce que tu sais, même si je suis un grand photographe, je vis avec beaucoup moins que ce que tu me proposes. Donc, ce sera fabuleux. Et même tu m'aurais dit un milliardième de tout ce que tu me proposes, j'aurais accepté. Bon, bah, moi, je suis professionnel. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on paye les gens à l'arrache et que nous, on garde l'argent. Là, on est dans une logique. Quand je fais ça avec l'art, art valor, moi, je le fais en utilisant l'éthique de l'art. Donc, ça veut dire que tous les gains des multinationales qui sont phénoménaux, d'accord? Ben non, je les intègre à la logique éthique de l'art. Alors vous allez me dire, waouh, 2 milliards d'euros! Le type, il travaille 20 ans, il économise 50% de son salaire mensuellement, il a 2 milliards d'euros? Eh ben oui, parce que chaque mois, il a vendu, vendu, vendu, vendu, vendu, produit, vendu, vendu, vendu, vendu, vendu. Voilà. Alors après, il y a une limite stratégique qui est que très vite, au bout de 5 ans, on a un marché français absolu, c'est-à-dire qu'il y a les galeries, les commissaires-priseurs, les marchands, les FIAC et il y a nous. On est un acteur. Évidemment, il faudra qu'on travaille avec les maisons des artistes, avec tout ce qui est associatif, et parce que c'est vers là que vont les artistes quand ils sont dans le besoin et c'est eux qui les aident à sortir du besoin. Et ben, nous, comme on est éthique, on va pas les snober. On va leur dire, bon bah voilà, nous on sait comment gagner plus de fric que tous les autres qui ne font pas bien leur travail ou qui n'ont rien inventé et qui laissent 90% des gens venir vous voir. Alors bon, des grandes réunions évidemment. Franchement, moi je veux la médaille, hein. Je veux la médaille de l'ordre du mérite, du commerce ou la Légion. Si ça marche, dès que j'ai fait le premier milliard, je veux la Légion. Parce que c'est magnifique quoi, comme montage. Surtout que l'impulsion, c'est quand on m'a dit, quand j'ai vu des amis artistes que je pouvais pas sauver parce que j'étais artiste moi-même à une époque de ma vie et qui sont morts parce qu'on pouvait pas tous les collectifs d'artistes, on était 40 à vivre dans le même immeuble, à vivre comme des artistes, comme des foufous, mais quand le type a eu une opération à faire, on n'a pas su la financer. Il est mort. D'accord? On aurait pu le sauver. Moi, je me suis dit, mais putain, avec toute cette tour-là, on avait en fait pour 48 millions d'euros d'œuvres d'art à vendre. Enfin, on va dire plutôt, allez, 4 millions d'œuvres d'art, là. Pour 4 millions d'œuvres d'art à vendre. Mais pas de vendeurs, etc. Donc, quand on m'a dit ensuite que les commerciaux aujourd'hui se suicident, je me suis dit, bon, ben voilà, hein, on va sauver des vies. On va les mettre au travail. Étonnamment, comme c'est très beau, les gens vont être sceptiques. Bon, ben, c'est du travail. Du travail, des efforts, du travail, des efforts. La formule est très bonne. Si elle pénètre au bout de 4 mois le marché, c'est l'effet boule de neige, on est bon après. Voilà, il y a juste 4 mois difficiles à bien mener de manière très positive. Autant être très positif au début et après se dire, bon, bah, faisons le bilan, revenons dans d'autres formes, etc. C'est bon. Alors, bon, les artistes, évidemment, on les trouve à tire-larigot. Les commerciaux, on les trouve à tire-larigot, et les collectionneurs, on les trouve à tire-larigot aussi, on les trouve à tire-larigot aussi. Pourquoi? Parce que c'est un volume. En fait, grosso modo, on garde les clients très chics, mais on leur propose un produit beaucoup moins cher, mais tout aussi prestigieux et avec un taux de bénéfice immense. Voilà. C'était le tableau 7. Je pense que c'est la dernière. Je vais regarder, mais. Bon, si c'est pas la dernière, je dirais un petit au revoir quand même. Bisous. Alors, tableau 7. Non, tableau 8 d'ailleurs. Hop. Stop. Hop là. Et après, je fais l'autre.